العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سيدنا الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc on va commencer sans plus attendre, continuer sur l'étude d'un livre très important dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'aqida, de la croyance du musulman et de la musulmane concernant les noms et attributs du Créateur. Concernant les noms et attributs du Créateur. Donc ce sont des règles que l'auteur a rédigées dans ce livre qu'on appelle Al-Qawaid Al-Muthla. Et ce livre-là est enseigné par les grands savants aujourd'hui dans de nombreux centres d'études, dans de nombreuses écoles, dans le domaine des noms et attributs. Beaucoup de savants enseignent ce livre et les étudiants apprennent cela. Il est même enseigné dans des universités. Kitab Al-Qawaid Al-Muthla, les chiikhs de l'auteur Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Uthaymeen, rahmahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et donc, on apprend dans ce livre, comme on a dit, des règles concernant les noms et les attributs. Des règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le temps a commencé des règles et nous on arrive à la sixième règle. Dans la cinquième règle, dans la règle précédente, on a appris parmi les règles concernant les noms sublimes divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque vous savez, lorsque vous lisez le Coran, Allah Jalla nous a informé à son sujet. Lorsque dans de nombreux versets, on voit que certains versets terminent avec des noms. Allah par exemple dit qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Matin, Al-Qawi, Al-Qadir, par exemple, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Aziz, et autres attributs comme Al-Samir, Al-Basir. Tout ça, ça fait partie des noms. Ça fait partie des noms d'Allah, dont Allah s'est nommé. Allah s'est nommé, dont il nous a informé à son sujet. Dans la cinquième règle, c'est-à-dire le cinquième chapitre, l'auteur nous enseigne que Asma Allah Ta'ala sont tawqifiyah. C'est-à-dire que les noms d'Allah Azzajal, tawqifiyah en arabe, c'est l'explication de on se limite au texte. C'est-à-dire que il n'y a pas de place à la raison humaine, concernant les noms d'Allah Azzajal. On ne peut pas inventer dans ce domaine-là. Donc les noms d'Allah, il y a la cinquième règle qu'on a apprise, qu'il faut retenir, ça fait partie de notre croyance, c'est que les noms d'Allah sont tawqifiyah. Tawqifiyah. En arabe, c'est-à-dire qu'on se limite au texte. On se limite au texte pour connaître et apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kitab wa Sunnah, dont les deux sources de la religion, c'est le noble Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tawqifiyah, ça sous-entend qu'il n'y a pas de place à la raison humaine pour l'affirmation des noms du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah dans le Coran nous informe à son sujet pour qu'on puisse le connaître, pour que son serviteur puisse connaître son adoré, son Créateur. Du fait que celui qui adore Allah Azza wa Jalla, le bon croyant, doit connaître son adoré, doit connaître celui qu'il adore. Et celui que vous adorez, moi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Celui que vous adorez, c'est le tout miséricordieux. Le très miséricordieux, une traduction relative à l'approximative des noms. Al-Samir, Al-Basir, Al-Wadud, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Musawwir, Al-Muhaymin, Al-Salam. Tout cela fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jalla nous a informé à son sujet. C'est pour ça que ça fait partie des plus grandes sciences et des plus grands savoirs que le croyant veut connaître. Pourquoi ? Celui qui adore Allah Azza wa Jalla, il veut connaître son Créateur. Et rappelez-vous dans l'épître, les trois al-usul thalatha, les trois fondements. Qu'est-ce qu'on apprend au début de l'écrit ? qu'il incombe à tout musulman et musulmane, c'est-à-dire qu'il lui est obligatoire, tout musulman et tout musulman, de connaître quatre choses. Quatre choses. La première chose, ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul islam, din al-islam, ou plutôt ma'rifatullah, comme on a dit, la connaissance d'Allah, son messager, la connaissance de la religion, c'est ce qu'on appelle al-ilm. Ensuite, il faut al-amal, mettre en application, et il faut patienter. Mais parmi les ma'arif, les connaissances obligatoires, trois choses. La connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et de sa religion. Ce sont les trois questions de la tombe. C'est les trois questions qui seront posées dans la tombe. C'est pour ça que Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements qu'a rédigé l'auteur, c'est basé sur les trois questions de la tombe, qui sont confirmées dans un hadith du prophète en salam. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle décède, elle sera enfouie et enterrée dans sa tombe, alors deux anges viendront à lui. Il est dit que lorsque la personne décède, ensuite il est enterré. Lorsqu'il est enterré, il est dit dans le hadith authentique que ses proches qui sont venus l'enterrer, ensuite après avoir enterré, vont commencer à s'éparpiller, à s'en aller. Ils vont s'en aller. Et donc lui, à ce moment-là, le mort, il est seul dans sa tombe. Il est sous terre. Et là, c'est là que le prophète en somme nous informe que deux anges viendront à lui. Ils vont l'asseoir. Ils vont asseoir la personne qui vient d'être enterrée et lui poser trois questions. Ils vont lui poser ces trois questions. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu du prophète? Et donc, le croyant pourra répondre: Rabbi Allah, dini al-Islam. Il pourra répondre à ces questions. Il dit que le munafiq, l'hypocrite par exemple, dira sami'tu shay'an fa qultuhu. Et lui, la personne qui ne pourra pas répondre comme l'hypocrite, il dira il ne pourra pas répondre. Et il dira j'ai certes entendu des choses, je les ai répétées. Et donc vous avez vu, les trois questions de la tombe sont basées sur ces questions-là. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. Donc c'est un hadith authentique. Où il y a divergence chez les savants, c'est sur l'appellation des deux anges qui viendront. Il nous est rapporté dans un récit, dans une version du texte, que l'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Munkar ou Nakir. Pour ça, on dit Munkar ou Nakir. Sauf que sur leur nom, il y a une divergence chez les savants. Pourquoi? Parce que les savants divergent sur l'authenticité du récit mentionnant le nom de ces deux anges. Sinon, sur le fait que deux anges viendront et assieront le défunt, ça, il y a un accord chez les savants. Le désaccord, c'est sur l'appellation, le nom. Et beaucoup de savants qui voient l'authenticité du hadith, par exemple, confirment que les deux anges, l'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et donc, ensuite, ces questions seront posées. Et regardez la première question, Man Rabbuk. Quel est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? C'est pour ça qu'on comprend que la première obligation pour le croyant, c'est de connaître son Créateur, de connaître Allah, ça veut dire. Et vous ne pourrez point le connaître si ce n'est en étudiant ses noms et ses attributs, en observant et méditant le Coran. Qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Ali, Al-Samir, Al-Basir, Al-Wadud, Al-Jabbar et autres parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui apprend ces noms, et on a appris, l'auteur nous a appris dans la dernière assise, celui qui apprend ces noms, il est dit dans le hadith, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِئَةً إِلَّا وَحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. Dans le hadith, il est dit que le prophète Sam a dit, Allah détient 99 noms. Celui qui les apprend, il rentre au paradis. Et donc vous avez vu dans un hadith authentique, le prophète Sam nous dit que ces noms-là, celui qui les apprend, il rentre au paradis. Il y a trop le Jannah. Et ça, c'est l'affaire de tout croyant et toute croyante, le fait de vouloir rentrer au paradis. Donc si là aujourd'hui une personne vient et vous dit, tu vas rentrer au paradis, la réponse de quiconque, ça sera un arabe, je vais rentrer au paradis. Mais c'est ça la difficulté, comment rentrer au paradis? Comment rentrer au paradis? Là le prophète en fait nous dit, celui qui apprend les noms d'Allah, les 99 noms, il rentre au paradis. Les apprendre, les comprendre, les mettre et œuvrer selon les applications de ces noms. Trois choses. C'est le sens de les apprendre. Ça se entend trois choses comme on a appris dans les cours précédents. Donc celui qui va rentrer au paradis, parmi les causes pour rentrer au paradis, apprendre les noms d'Allah, ça veut dire. Apprendre les noms d'Allah. A savoir que le prophète sallam dit, en fait, un jour il s'adresse à ses compagnons, il leur a dit, kullukum tadkhulul jannah. Ou kullukum tadkhulul jannah. Vous allez tous entrer au paradis. Un jour le prophète sallam s'adresse à ses compagnons, il leur a dit, kullukum. Tous vont entrer au paradis. Plutôt une traduction plus exacte. Vous entrez tous au paradis. Sahaba, ils ont dit, subhanallah, ils ont entendu cela. Le prophète en leur annonce, tout le monde rentre au paradis. Mais sauf le prophète a fait l'exception. Illa man aba. Mais le prophète a dit, sauf celui qui s'y refuse. Donc le prophète informe les compagnons, et cette information, comme on l'a dit précédemment dans les sermons, lorsque le prophète en sallam informe ses compagnons d'une chose, c'est valable pour toute la communauté, pour toute la nation musulmane. Donc le prophète en sallam a dit, vous rentrez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse, c'est-à-dire celui qui ne veut pas. Et là, les compagnons, si tu peux dire au messager d'Allah et dire, y'a la sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, et qui est-ce qui se refuserait de rentrer au paradis? Qui est-ce qui va refuser de rentrer au paradis? Alors là, lorsqu'ils interrogent le prophète, c'est ça au messager d'Allah, mais qui est-ce qui refuserait de rentrer au paradis? Le prophète est en train de dire, Man ata'ani dakhala al-janna wa man asani dakhala al-nar. Celui qui m'obéit rentrera au paradis. Celui qui me désobéit rentrera en enfer. Donc, c'est conditionné à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'en rappelle dans un verset dans le Coran? Les savants ont mentionné ce verset, on l'avait déjà mentionné dans des assises précédentes, dans des cours précédents, un verset que les savants, ont appelé Ayatul Mihna. Arsès, mashallah, s'en est élevé, mashallah, Zadek Allah, Ayman wa Hirsa, mashallah. Exactement, c'est le verset dans Surat Ali Imran. Ce verset-là, les savants l'ont appelé le verset de l'épreuve. Un verset qui est une épreuve pour les gens. Or, si vous écoutez le verset, vous allez dire, mais c'est pas une épreuve. Au contraire, c'est une annonce qui est immense dans le verset, c'est pas une épreuve. Allah, dans ce verset, dit au prophète, en fait, vous avez vu des fois, il y a des versets, souvent, où Allah, Azza wa Jalla, s'adressant au prophète, lui dit, dis. C'est-à-dire, dis aux gens telle chose, par exemple. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ou qul a'udhu bi rabbin nas. Par exemple, Allah dit, dis que Allah est unique. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de falaq. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de Nas, des gens. Et dans de nombreux versets, Hul Uhiya ilayka ila akhir. Il t'a certes été révélé. Dit. Donc Allah souvent s'adresse au prophète ça, dans le Coran en disant dit. C'est un impératif. Le prophète doit dire. Là, dans ce verset, Allah dit au prophète dis-leur. Si vraiment, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il vous pardonnera vos péchés, car il est certes Allah Azza wa Jal, غَفُورٌ, grand pardonneur, Rahim, clément. Traduction pour Ismaël, c'est le sens du verset. Lorsque vous entendez ce verset, regardez cette annonce. Allah dit au prophète, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire on doit suivre le prophète. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Il pardonnera vos péchés. Là, vous pouvez poser une question. Comment ce verset, pourquoi les savants l'ont appelé le verset d'épreuve? Alors que là, c'est une annonce qui est immense. Si on suit le prophète, sans salaire, Allah va nous aimer. Il va nous aimer, il va pardonner nos fautes. Donc, où est l'épreuve? En fait, l'épreuve, c'est que certains savants l'ont appelé comme ça parce que beaucoup de gens Et la majorité des gens prétendent aimer le Créateur. Tout le monde prétend aimer Dieu, comme ils disent. Aimer Allah Azzawajal. Tout le monde prétend aimer Allah Azzawajal. Mais, comme disent certains savants, l'affaire, toute l'affaire, ce n'est pas d'aimer. Mais l'affaire, toute l'affaire, c'est que tu sois agréé. Et que le Créateur soit satisfait de toi. C'est ça toute l'affaire. Le but, c'est que le Créateur t'agrée. Annahu et Allah Anj. C'est ça le but. Et donc, beaucoup de gens prétendaient aimer le Créateur. Allah Azzawajal, dans ce verset, il dit au prophète, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est l'épreuve. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, si vraiment vous aimez Allah Azzawajal, vous devez suivre le prophète. Regardez à l'époque des polythéistes arabes. Les polythéistes arabes qui étaient antagonistes des lignes du prophète, est-ce qu'ils croyaient en Allah? Et croyant en Allah Azzawajal. Pourtant, ils étaient ennemis du prophète. Les gens à la Mecque à l'époque, le peuple du prophète, ils étaient ennemis du prophète, ils combattaient le prophète, mais pourtant ils croyaient en Allah. Leur divergence avec le prophète, c'était pas un iman billah. Parce que dans le Coran, Allah nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَيَقُولُونَ Allah. Et si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Le polythéiste arabe à l'époque savait qu'Allah était le créateur de toutes choses. Il savait cela. La divergence avec le prophète n'était pas sur cela. Mais la divergence était sur la parole La ilaha illallah. Il ne voulait pas la dire. Et à force que le prophète prêche à la Mecque, et les gens commençaient à accorder foi à l'appel du prophète. Vous avez vu, au début à la Mecque, c'était très difficile. Les croyants, lorsqu'ils rentraient dans l'islam, les premiers compagnons du prophète, rentraient dans l'islam secrètement. Ils avaient peur. Et ils se réunissaient entre eux. Et le prophète leur enseignait. C'était secret. Les gens ne pouvaient pas rendre leur islam public. Pourquoi? Parce que sinon, ils subissaient toute forme de torture. Ils étaient châtiés. Ils subissaient des supplices. C'était très, très dur à l'époque à la Mecque. Au début. Et ça, il faut toujours se rappeler. Ce qu'ont vécu les compagnons, ce qu'ont vécu les premiers croyants de l'islam. C'était très dur. Et ce qu'a vécu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas délaissé la da'wah. N'a pas délaissé la da'wah. Et c'est ce qu'on voit lorsque vous voyez plus tard de grands savants qui étaient héritiers du prophète, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, c'était dur aussi pour eux. Regardez l'auteur du Kitab al-Tawhid, Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, et autres parmi al-Rasail, al-Sheikh al-Imam al-Mujaddid. Regardez tout ce qu'il a subi. Regardez tout ce qu'il a subi. Alors que lui prêchait juste dans la péninsule arabique, alors que les musulmans plus tard, des siècles et des siècles après, près de 10 siècles après, pourquoi? Parce que c'est un savant du 12e siècle, 12 siècles après, ils se rendent compte que les musulmans, après 10 siècles, les musulmans qui étaient à la Mecque et dans la péninsule arabique n'étaient plus sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète avait prêché le monothéisme pur dans la péninsule arabique, les gens revenaient progressivement vers le shirk et le polythéisme. Donc, Bada'a wa Shama'a akhada yad'u. Yad'u l'nas fi jazirat al-arab. الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الإمام المصلح المجدد إمام أهل السنة والجماعة إلى commencé يدعو الناس à prêcher aux gens. Il prêche هذه الدعوة المباركة. Ils disent même certains savants, vous voyez la baraka qu'il y a aujourd'hui dans au Moyen-Orient, certains pays, qui est considérée la première grand exploitateur de pétrole dans le monde. Cette richesse-là, vous ne posez pas les questions? Dans cette région-là, pas loin des lieux saints. Personne ne se pose la question comment le plus grand gisement dans le monde entier était découvert à cet endroit-là, alors que c'était des bédouins. Vous savez, à l'époque, à la Mecque, c'est les pèlerins qui venaient d'Afrique, que ce soit d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord ou d'Asie, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, c'est eux qui étaient les Mécois. Les Mécois étaient pauvres. Alors lorsqu'ils venaient faire le pèlerinage, ils aidaient les gens qui habitaient à la Mecque. Ils étaient pauvres. Les gens, c'était des Bédouins. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la découverte, plus tard, ensuite, de cette richesse qui était dans le sol. cette richesse, vous avez vu, qui était dans le sol, tout d'un coup. Vous savez, certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça, c'est les fruits, les bienfaits de Da'wat al-Tawhid. Da'wat al-Tawhid, le prêtre l'avait dit cité. Et il dit, ça fait partie de la baraka, de la bénédiction de la da'wat de l'imam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a réitéré, il a fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a revivifié la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la péninsule arabique. Alors les gens commençaient à sombrer petit à petit dans les ténèbres de l'ignorance, dans l'obscurantisme, dans les ténèbres du paganisme et du shirk. C'est une évidence, regardez les livres d'histoire. Ils commençaient à adorer les morts. Et ils adoraient par exemple à son époque la tombe de Zayd ibn al-Khattab. Et donc, ils sombraient dans le paganisme et l'idolâtrie. On dit à la chier, « Bidda'wati al-Tawhid » Et l'auteur est venu, « Wada'ai al-Tawhid illahi azza wa jalla » Ensuite, beaucoup de gens et beaucoup de tribus, à l'époque c'était des tribus, se sont soulevés et levés contre le shirk. Et le shirk est obligé à chaque fois de se déplacer dans la péninsule arabique, se cacher. Pourquoi? Parce qu'il le cherchait. Il le cherchait pour attenter à sa vie. Pour attenter à sa vie. Et tous ceux, ensuite, qui voulaient, qui, machallah, pour eux, le message du shirk à l'époque, c'était l'islam, c'était le prêche du prophète, l'adoration d'un Seigneur unique, Tawhidullahi Azza wa Jal. Ils avaient tellement de pression à l'époque, on est dans la péninsule arabique, vous savez, c'est des tribus, on est au 12e siècle de l'Égypte, puisque l'auteur est né en 1115 et mort en 1206 de l'Égypte. Donc on est au 12e siècle de l'Égypte. Pour beaucoup, ils disaient, en fait, ce que prêche l'auteur, c'est l'islam. C'est des hadiths du prophète. Il dit de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Est-ce qu'un musulman peut aller en compte de cela? Hadi, yani, da'wa, yani, masha'Allah. Ibadatullahi wahdahu, la sharika la, ma'na la ilaha illallah. Jusqu'à qu'un jour, un grand chef de tribu, lorsque le shirk est venu dans sa tribu, et a commencé à prêcher, un grand chef de tribu, il a aimé la da'wa du shirk. Et il a accordé protection. Comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les chefs de tribu accordaient protection. Alors il a accordé protection au shirk. Et il lui a donné l'autorisation dans cet endroit-là de pouvoir prêcher et d'enseigner. De pouvoir prêcher et d'enseigner. Sauf qu'ensuite, et il avait promis au shirk de le protéger. Sauf qu'ensuite, il y a eu des pressions de tribus environnantes en lui disant de livrer le shir à ce chef de tribu. Il n'a pas pu céder aux pressions et il a livré le shir. Sauf qu'ensuite, il a été épargné. Regardez, il a été livré. Tellement, même dans la péninsule arabique, on est avec les gens de la Mecque, des lieux sacrés, de la péninsule arabique, du Najd. Ensuite, il n'acceptait pas cela. De la même manière, Cheikh a patienté. Cheikh a patienté et il prêchait At-Tawhid. Pourtant, At-Tawhid, c'est quoi? C'est Ad-Dawa ila Ibadatillahi wahdahu la sharika la. C'est d'appeler à l'adoration d'un créateur unique. Pourtant, à l'époque, c'était des gens qui disaient La ilaha illallah. Différemment de l'époque du prophète. Revenons au prophète Mohammed. Ça, c'est des rappels vraiment. C'est des rappels pour se dire, regardez ce que des croyants ont vécu dans les siècles précédents. Tout ça pour leur croyance de croire en un Seigneur unique. Alors, le prophète, au départ, la prédication était secrète. Les musulmans, lorsqu'ils rentraient dans l'islam, avaient peur. Parce qu'ils avaient des pressions des Quraysh. Or, les Quraysh, ils croyaient en Allah, Azza wa Jal. C'est ça qui est ajib, qui est étonnant. Ils croyaient en Allah. Mais ensuite, lorsque le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à se répandre, alors ils voulaient arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé à voir le prophète. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à eux, ils ont dit au messager d'Allah, vous savez, lorsque vous lisez les histoires des prophètes et des messagers, vous allez voir qu'au départ, les peuples à qui ces prophètes et ces messagers s'adressent prennent toujours en dérision et dévalorisent ses prophètes et ses messagers. Et ils pensent que des da'wah, que leur prêche, C'est pas quelque chose vraiment de... C'est une prêche, ils prennent cela en dérision, dévalorisation. Alors, mais ensuite, lorsque ils entendent la vraie Dawa, ils commencent à comprendre la Dawa des prophètes et des messagers, ils voient que quelle était la réponse de tous les prophètes et les messagers quand leur peuple voulait les acheter, en pensant que les prophètes et messagers prêchaient par intérêt personnel. Prêchaient par intérêt personnel. À chaque fois, la réponse était, nous ne voulons ni de remerciements, ni de salaire. Regardez, pour chaque prophète, l'histoire, il est dit que le prophète disait, nous ne voulons aucun salaire. Ils veulent aucun salaire. Ils ne sont pas opportunistes. Et le prophète, sallam, au départ, il prenait son prêche en dérision. Ils se sont dit, on va lui proposer des effets, des objectifs, cette vie d'ici-bas, de la richesse, des biens, et il va délaisser sa darwa. Alors ils ont dit au prophète, sallam, qu'est-ce que tu veux? Quand ils ont vu que le prêche commençait à se répandre, qu'est-ce que tu veux? Ils ont dit au prophète, sallam. Ils ont dit, tu veux des biens? De l'or? On te donnera tout. On te donnera tout. Mais arrête. Ils lui ont dit, tu arrêtes. Pourtant, eux croient en Allah. Les Arabes de l'époque, la péninsule arabique, faut bien comprendre le contexte pour bien comprendre le prêche du prophète, ils croient en Allah. Sauf que eux, ils veulent adorer des fausses divinités. Pour eux, ils se disaient être dans la religion d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et eux, donc, ils croyaient en Allah. Et la différence, c'est que le prophète, ensemble, les appelait donc juste à l'adoration d'Allah seul. Et d'arrêter d'adorer Hubal, Wallat, Wal-Uzza, Wabanat, et les fausses divinités qu'ils avaient. Ils s'y refusaient. Et donc, lorsqu'ils ont parlé au prophète, ils se sont adressés à lui, qu'est-ce que tu veux? On va te donner tout. Mais arrête. Et le prophète leur dit, je veux qu'une seule chose. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? Une parole. Une parole de vous. Je dis, d'accord, dis-nous 1000 paroles, on te dira 1000 paroles. Qu'est-ce que tu veux comme parole? Il leur a dit, « Qulu la ilaha illallah tuflihu. » Dites juste « la ilaha illallah », vous réussirez. Il leur a demandé juste « la ilaha illallah ». Ils étaient prêts à tout dire. Ils ont dit, « Alf kalima. » 1000 paroles, on va te les dire. Allez, dis-nous c'est quoi ta parole. Allez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, il veut rien. Il ne voulait pas de bien, ni d'or, ni d'argent. Il ne voulait rien. Ils ont dit, on va tout te donner. Le prophète a dit, je veux de vous juste une parole. Dites la ilaha illallah. Dites juste cela. Dites la ilaha illallah. Il leur a dit, tuflihu. Vous allez réussir. Ils ont dit non. On te dit tout ce que tu veux, mais pas cette parole. Pourtant, ils croient en Allah, azza wa jalla. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Parmi les bienfaits, il y a beaucoup de choses à déduire. Nous, on va revenir à notre sujet. Mais il y a beaucoup de choses à déduire. Si vous arrivez à dire la ilaha illallah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tout le monde qui peut la dire. C'est pas tout le monde qui peut dire la ilaha illallah. Cette parole-là, la ilaha illallah, Allah fait descendre des livres et envoyer des prophètes et des messagers pour cette parole. Pour prêcher à cette parole. Si Allah, toi, t'a donné la facilité de dire la ilaha illallah, on s'en rend pas compte du trésor qu'on a. Il y a des gens qui voudraient le dire, ils peuvent pas. Il y a des gens, ils arrivent pas. Il y a des gens, ils voudraient y croire, ils peuvent pas. Regardez Quraysh. Regardez l'oncle du prophète, Abu Lahab. Il a un lien de parenté avec le messager d'Allah. Toi, tu n'as pas de lien de parenté. Non. On n'a pas de lien de parenté. Notre lignée ne remonte pas à Allahu A'lam. Peut-être que certains, leur lignée, à connaissance, notre lignée ne remonte pas au prophète. C'est important, on dit la ilaha illallah, par la grâce d'Allah, azza wa jalla. L'oncle du prophète Abu Lahab, c'était l'un des plus grands ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمْ يَقُلْ لَا إِلَهِ لَلَّهِ وَكَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ. C'était un grand antagoniste. Pourtant, c'est l'oncle du prophète, Abu Lahab. Tellement qu'il était antagoniste du messager d'Allah, de son neveu, Allah fait descendre une sourate. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ. Une sourate qui sera lue إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ, jusqu'à la fin des temps. Cette sourate sera lue. Une sourate. Abu Lahab, l'oncle du prophète, n'a pas pu dire la ilaha illallah et croire au message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, à l'époque, ils le voient. Ils vivent avec lui. Imaginez-vous, le neveu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite d'avoir dans sa famille, sa descendance, son sang un prophète. Vous imaginez le fadl, le mérite immense, ils n'ont pas pu dire la ilaha illallah. Alors celui qui dit la ilaha illallah, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prophète dans le hadith il nous dit man kana akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole de cette vie d'ici-bas sera la ilaha illallah, il rentrera au paradis. C'est pour cela que celui qui avant de mourir nous laqine, on lui dit dis la ilaha illallah. Si sa vie elle était basée sur l'apprentissage justement d'assises comme ça, sa vie c'était dans la pratique de la ilallah, à plus forte raison biznillah, avec l'aide d'Allah il pourra la prononcer. Mais certains connaissent la ilallah, certains disent la ilallah, mais au moment de mourir dans l'agonie de la mort ils n'arriveront pas à le dire. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est rapporté dans des anciens livres d'histoire, certains que par exemple qui leur vie était dans les boissons alcoolisées à l'époque et dans les coups des instruments de musique et autres. Au moment de mourir, certains qui connaissaient, c'était des musulmans, on leur disait dis la ilallah, c'est les grands imams qui disent cela dans leurs livres. Alors eux, on leur disait dis la ilallah au moment de mourir, et eux ils chantaient. Chantaient ce qu'ils avaient l'habitude d'écouter, ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Ils ont été privés de la ilallah. Au lieu d'écouter kalam Allah, la parole d'Allah azzawajal, ils s'adonnaient à l'écoute d'autre chose. Et ça, dans les affres de la mort, des fois ça ressort. C'est pour ça que celui qui arrive à dire « La ilallah ici-bas », qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, pourquoi c'est bien de se le rappeler? Parce qu'on a une richesse, on a un trésor. « La ilaha illallah » et on oublie. Il y a des gens qui voudraient dire « La ilallah », ils n'arrivent pas. Regardez, il y a des simples paroles qu'on dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « C'est des trésors ». Par exemple, on a un trésor du paradis. Comme ça, « Kenz ». On a un « Kenz ». Trésor, c'est la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète dit que c'est un kenz, c'est un trésor. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Donc parfois on a des trésors, on a une richesse et on en oublie. Pour revenir au sujet, regardez, il n'y a pas meilleure science et savoir que d'apprendre les noms d'Allah. Que d'apprendre qui est notre créateur. C'est qui? Ar-Rahman, Ar-Rahim, apprendre les noms d'Allah. Donc, regardez, qui est-ce qui veut rentrer au paradis? Le prophète dit, vous rentrez tous au paradis. Il l'amène à bas, sauf celui qui s'y refuse. Et il dit, celui qui m'obéit entre au paradis, celui qui me désobéit, ne me rentre pas. Dakhal an-nar, il rentre en enfer littéralement. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que celui qui apprend les 99 noms, il rentre au paradis. Ce qu'on a appris dans les assises précédentes, et on va continuer, c'est que ce hadith-là ne veut pas dire qu'Allah Azzawajal a seulement 99 noms. On a appris que les savants, la majorité des savants, considèrent que ce hadith-là veut dire en réalité que celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des noms qu'on ne connaît pas, qui nous sont inconnus, que seul le Créateur subhanahu wa ta'ala connaît. Donc la question est-ce qu'Allah Azzawajal a seulement 99 noms? Non. Ce hadith-là, où le prophète dit « Allah a 99 noms, celui qui les apprend, il rentre au paradis », les savants s'accordent, une grande majorité de savants, pour dire « ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 99 noms ». Mais ce hadith-là veut dire que celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah, il rentre au paradis. Il rentre au paradis. Et c'est ce qu'on va apprendre là, puisque l'auteur ensuite va nous mentionner les noms. Avant de commencer la liste des noms et d'apprendre les noms d'Allah azawajal. C'est pour ça que c'est très pertinent, l'auteur, avant de nous citer la liste des noms d'Allah, donc il va faire la recherche dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va, mashallah, sortir 99 noms. Et donc là, on va les lire, on va les apprendre, inshallah, et regardez, juste apprendre ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dakhala al-jannah, et rentre au paradis. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Mais est-ce qu'on connaît les noms d'Allah? Les noms du Créateur. Les noms de notre Ilah. Imaginez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous a créés. C'est celui qui nous a tout donné. C'est celui qui a écrit votre délai, votre subsistance. C'est lui qui a décrété le fait que vous soyez enfant de telle personne, que vous allez vivre de telle manière. Et vous a tout donné. tout ce que vous vivez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, toutes ces jouissances que vous connaissez chaque jour, tous ces bienfaits proviennent du Créateur subhanahu wa ta'ala. Qu'aujourd'hui vous soyez fi bayt min buyutillah, dans une demeure parmi les demeures d'Allah, assis à écouter le rappel et la parole du Créateur, ça c'est la grâce du Créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a permis. Donc vous avez vu, si on voudrait le remercier, on pourrait. On pourrait le remercier, on ne pourrait pas le remercier comme il se doit, notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, notre Créateur qui nous a donné tout ça, on ne connaît pas tous ses noms. Enfin, les 99 qui nous ont été révélés. Puisqu'il y en a d'autres, comme on a appris, dans ce chapitre, on a appris qu'il y en a d'autres qui sont près d'Allah Azzawajal, qu'il n'a pas fait descendre et qu'il n'a pas révélé. Comme on l'a appris dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui, on va lire la liste des 99 noms que l'auteur a recensés, à tirer du Coran et de la Sunna, et va expliquer. Il va expliquer. Mais avant, on devait terminer une question. On va terminer cette question aujourd'hui, avant de se quitter. Avant, l'auteur dit, est-ce que, par contre, vu l'importance du sujet, là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est un sujet immensément important. Les 99 noms qu'il y a dans An-Nusus, qu'il y a dans les textes. Et est-ce qu'on n'a que 99, on a appris? Non. Il y en a plus, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un nombre défini, précis? Non. Wallahu a'lam. Combien Allah Azza wa Jalla a de noms? Les savants disent, on ne sait pas. Nous, on a la connaissance de 99 noms du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et dans la dernière assise, on avait lu les paroles des savants concernant cela et les preuves sur lesquelles ils se basent pour cela. Sauf que maintenant, vu l'importance du sujet, les savants ont cherché. Est-ce qu'on aurait un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il y a la mention des 99 noms? Puisque le sujet est tellement important, premièrement de connaître les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et aussi de les apprendre, c'est la cause pour entrer au paradis. Donc tellement le sujet est important, les savants ont cherché, mais est-ce qu'on a un hadith où le prophète, par exemple, vu que le prophète a dit, Allah a 99 noms. Celui qui les apprend, il rentre au paradis. لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Le prophète dit Allah a 99 noms sans moins un. Celui qui les apprend rentre au paradis. Le sujet est immense. Donc les savants ont cherché. Est-ce que le prophète donc ensuite les a cités les 99 noms? Et là, ils ont trouvé des récits. Ils ont trouvé des récits où justement il y a des récits avec chaîne de transmission, selon l'apparence des récits, la chaîne de transmission, je dis bien selon l'apparence des récits, la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous retrouvez dans Tirmidhi, par exemple, vous retrouvez donc des récits attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a la ta'in, où les noms sont déterminés bien, sont cités. Mais les savants, après observation, beaucoup de savants disent qu'en fait, ces récits-là ne sont pas authentiques. Ils disent qu'on n'a pas de hadith authentique. On n'a pas de récits authentiques. Les récits qui sont rapportés ou qu'il y a là, les noms qui seraient cités, ils disent qu'ils ne sont pas authentiques. Et la cause, comme on l'a évoqué, c'est que celui qui rapporte cela, c'est un homme qui s'appelait Al-Walid ibn Muslim. C'est un homme qui s'appelait Al-Walid ibn Muslim. Donc les savants ont cherché les chaînes de transmission. On a une chaîne de transmission que vous pouvez retrouver dans les Sunan de Tirmidhi, où cet homme-là, Walid ibn Muslim, il rapporte d'après un homme qui s'appelait Shu'aib, qui rapporte d'après Abi Zannad, et qui, Abi Zannad lui rapporte d'un homme qui s'appelait l'A'raj. Et l'A'raj rapporte d'après le compagnon Abu Hurayra. Et ça, c'est une première chaîne de transmission. Les savants disent qu'elle n'est pas authentique, la chaîne de transmission. Ils disent que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'authentifier, le hadith, et dire vraiment l'attribuer au prophète. Ils ne peuvent pas l'attribuer au prophète. Pourquoi? Parce qu'il faut que la chaîne de transmission soit authentique. Et vous savez que ça, c'est un grand domaine. C'est une grande science que les savants, ce sont les grands spécialistes de ce domaine, vous savez, à la lecture d'une chaîne de transmission, ils peuvent vous dire est-ce que le récit vraiment remonte au prophète ou ne remonte pas. Ça, c'est une richesse. Ça va aujourd'hui, une parole nous est rapportée, ou un fait du prophète, ça, on peut dire est-ce que c'est authentique, le prophète l'a dit ou le prophète l'a pas dit. C'est immense. on entend des choses, des hadiths, mais là, tout de suite, le croyant se pose, mais est-ce que le prophète l'a dit? Et là, nous, on a des chaînes de transmission, les savants sont tellement spécialistes, et je vais vous donner une sorte d'avant-goût des recherches des savants sur cela. On va essayer de le faire en quelques minutes, Inch'Allah, avant de se quitter. Et donc, la première chaîne de transmission, il dit, celle-ci n'est pas authentique. Il y a une autre chaîne de transmission dans la compilation de Ibn Majah. Dans Ibn Majah. Fi Sunani. Fi Sunani. Et c'est pour ça que parfois vous devez vous dire, il vient avec tous ces livres-là pour un simple cours. S'il nous lit tout ça, il y en aura pour combien de temps? Je vais vous dire, là, mais qu'est-ce qu'il va nous faire avec tous ces livres? En fait, ça, c'est rien. Pour des fois, juste chercher une petite question, on a besoin de... C'est une bibliothèque qu'on a besoin. Donc là, j'ai pris ça pour prendre des petits passages pour vous faire profiter. Mais en fait, j'ai vraiment pris le minimum, puisque je sais qu'on n'a que quelques minutes. Que quelques minutes. Regardez. Donc là, dans ce passage-là, il est dit, lorsque vous recherchez dans les compilations de Ibn Majah dans ses compilations, il y a une autre voix, d'après un homme, Makhlad ibn Zayyad, qui lui va rapporter d'après un homme qui s'appelait Hisham ibn Hassan. Un homme qui s'appelait Hisham ibn Hassan, qui rapporte d'après le célèbre grand imam, vous en rappelez, Mohammed ibn Selin. On avait cité Mohammed ibn Selin, et est célèbre. Mohammed ibn Selin. Il est célèbre. Taïm. Mohammed ibn Selin. Ce grand imam, c'est dans l'histoire Selin, ils disent que c'était un captif de Khalid ibn al-Walid. C'était un captif de Khalid ibn al-Walid. Il y avait un autre homme qui s'appelait Nusayr en même temps. Et ils avaient trouvé qu'ils apprenaient des textes, d'autres écritures. Et plus tard, il y aura la naissance de, par exemple, Mohammed ibn Sirin, le grand imam Mohammed ibn Sirin, de qui ils attribuent le livre des songes, l'interprétation des songes. Imamun Jalil, un grand imam. Et il y aura Nusayr, son fils Moussa aussi, connu Moussa ibn Nusayr. Moussa ibn Nusayr qui sera avec Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad lorsqu'il y aura la prise de l'Andalous. C'est des grands hommes. Et ils disent que le père de Mohammed ibn Sirin, donc c'était Sirin, et Moussa ibn Nusayr, son père c'était Nusayr. Al-Muhim. Et Mohammed ibn Sirin ici, ils disent qu'il rapporte d'après Abu Huraira. Mais Cheikh Issam Taymiyyah, le grand savant d'Islam, il dit ces chaînes de transmission-là, les spécialistes dans le domaine s'accordent pour dire qu'elles ne sont pas authentiques. Pourquoi? C'est ça qu'on va essayer de comprendre très rapidement. Ça va nous donner un avant-goût, c'est très intéressant. Et lorsque vous commencez à rentrer dans la science du hadith, Wallah al-Azim, vous voyagez. C'est un voyage. Si vous saviez le mérite du ilm, surtout lorsque... C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont commencé à goûter à la science du hadith, à la recherche des chaînes de transmission, les biographies des hommes, est-ce que l'autre, il a voyagé, il a pu entendre de cet homme, parce que c'est ça. Ensuite, c'est faire des voyages dans le temps. Et vous serez obligé ensuite de retourner dans des livres anciens qui a la biographie, l'historique, puisque un tel rapporte d'un tel, et un tel est vraiment le disciple d'un tel. Et c'est des recherches immenses pour ensuite confirmer les transmissions, qu'un tel a vraiment entendu d'un tel, etc. C'est des recherches, et c'est immensément pertinent, et c'est très intéressant. Les grands savants du hadith, ils passent des nuits. Tellement que c'est intéressant. Vous pouvez rester des heures et des heures dans les livres parce que ensuite vous étudiez telle voie, elle va vous ramener vers une autre voie. Vous étudiez tel transmetteur, elle va vous ramener vers là. Et ensuite, à force de, ça c'est une science dans le domaine, dans la discipline, puisque la discipline terminologie du hadith, il y a plusieurs domaines. Et là, on est dans le domaine de ilm al-rijal, la science des hommes. Et là, lorsque ensuite vous rentrez dans la science des hommes, c'est un bahar. C'est un océan. Jusqu'à ce que certains savants ensuite, avec les années de recherche et d'études, deviennent des spécialistes. Spécialistes. Vous lui citez, il lit les chaînes de transmission et regardez par exemple le contemporain, aujourd'hui celui qui est surnommé la perle de Médine. C'est très rare. C'est très rare aujourd'hui que des savants soient spécialistes comme cela. Cheikh Abdelmoussel Abbad. Beaucoup s'en rendent pas compte. Il est surnommé la perle de Médine. Pourquoi? Parce que beaucoup ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que c'est les gens du mérite qui peuvent reconnaître le mérite. Si on n'est pas spécialiste dans le domaine, on ne peut pas se rendre compte de la spécialité du shir et de son savoir dans le domaine. Il faudrait déjà que nous-mêmes, on soit érudits dans le domaine. Mais le shir, ce qu'il fait, et qu'on est ça à l'heure actuelle, un grand savant, le shir de Mansel Abed, il est assis, et son élève lui lit tout le Bukhari. Il a fait l'authentique de le Bukhari, de Muslim, il a fait Kutub al-Sitta, Ibn Majah, ou Tirmidhi, toutes les compilations de recueils. La méthodologie est, l'élève lui lit les hadiths avec les chaînes de transmission. C'est très rare aujourd'hui que les hadiths soient étudiés avec les chaînes de transmission. Et à chaque fois que l'élève lit, donc il lit la chaîne de transmission, un tel rapporte d'un tel, rapporte d'un tel, rapporte d'un tel, jusqu'à ce que ça remonte du prophète. À chaque fois un nom est cité, le chéri dit, ah, un tel est véridique, un tel est connu pour sa fiabilité, un tel était le fils d'un tel, il fait la biographie. Ensuite il dit, il rapporte d'un tel. Un tel, par contre, est considéré comme non fiable. Les savants ne prenaient pas de lui. Et un tel, il connaît tous les noms. Jusqu'à ce que la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète, il peut définir. Si dans la chaîne de transmission, il y a une défaillance ou pas. Imaginez-vous. Aujourd'hui, certains sont spécialistes des équipes de foot, connaissent les noms. C'est pour ça que si on nous dit, non mais c'est dur d'apprendre des noms, c'est pas vrai. Les gens arrivent à apprendre, ils connaissent par cœur les noms. Les noms, ils regardent le journal, l'équipe, et ils connaissent les noms. Or, certains, il faut dire la vérité, c'est les plus grands faussaires, les grands pervers. Et certains même mettent le maillot avec leur nom. Ils portent le nom d'un pervers. Sa vie, c'est que de la débauche. C'est un exemple de débauche. Aucun exemple pour la jeunesse. Aucun exemple de valeur pour la jeunesse. Pourtant, les gens mémorisent ces noms-là. Or, si on mémorise les chaînes de transmission, celui qui fait cela, il sera ressuscité le jour de la rétribution, mashallah, avec les ulama, avec les savants. Ça, c'est quelque chose d'immense. Donc, avant de se quitter, pourquoi ce récit-là, où il y aura la détermination des noms dans les chaînes de transmission? La détermination des noms d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi certains savants ne la voient pas authentique? Parce qu'ils disent, il y a cet homme. Il y a le Walid ibn Muslim. Et Walid ibn Muslim, beaucoup de savants s'accordent pour dire, premièrement, parmi les causes pour lesquelles le récit ne peut l'attribuer au prophète, sans salam, parmi les causes. Parce qu'ils disent, le Walid, c'est lui. Il est seul à l'avoir évoqué, premièrement. Mais ils disent, c'est pas ça vraiment la cause défaillante de la chaîne de transmission. Pourquoi les savants disent que la chaîne de transmission, elle est défaillante, elle ne peut pas remonter au prophète, elle n'est pas authentique? Parce qu'ils disent, هو ضعيف معروف بالتدليس. Parce qu'il était considéré, ce rapporteur, comme faible. Ça, c'est un problème. Al-Walid ibn Muslim, cet homme-là qui rapporte, qui commence sa transmission, il est considéré comme faible par les spécialistes. À son époque, il disait, il ne prenait pas son... C'est pour ça, c'est très important, en tant que musulman, de garder son honorabilité et son honnêteté, d'être considéré comme une personne fiable. Pourquoi? Parce qu'une personne, par exemple, qui est connue pour le mensonge, et pour exagérer, et pour rapporter des choses sans exactitude, à force, les gens ne vont plus prendre de sa parole. Ils vont dire, lui, il ment, ou c'est quelqu'un qui rajoute, ou c'est quelqu'un, comme on dit avec nos mots à nous aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'invente des histoires. C'est quelqu'un qui parle pour parler. C'est quelqu'un, ce qu'il rapporte, il n'est pas fiable. Plusieurs fois, il nous a rapporté des paroles, on a vérifié, il ne les a pas rapportées avec exactitude. À l'époque, ça, c'était quand les transmetteurs, c'est pas possible ça. Ils étaient éprouvés sur leur mémorisation. Vous savez, certains transmetteurs, de grands imams, hein, lorsqu'on dit des transmetteurs, certains c'était des maîtres, hein, de grands imams. Ils ont été déclarés faibles, pas parce qu'ils étaient mauvais, ou pas parce qu'ils n'étaient pas pieux ou vertueux. Tout simplement, ils avaient une mémorisation faible, une mémoire faible. Alors les savants se disent, on ne peut pas prendre de lui. Sa mémoire, elle est faible. Il rapporte des choses, mais il confond, des fois. Des fois, c'est la mémoire. Sinon, si vous regardez la biographie de l'imam, un grand imam, connu pour sa piété, connu pour son ilm, connu pour, mashallah, sa dévotion. Mais, vous allez voir, il est da'if dans le hadith. Dans le domaine, il est faible. il est considéré non fiable. Vous dites, mais comment ça se fait? Vous lisez la biographie? Vous lisez la biographie de l'imam? Les gens disent, on prend pas de lui. À son époque. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, on prend pas de lui. Dans la transmission. Mais vous regardez sa biographie, c'est un exemple, c'est un modèle de piété. Et lorsque vous cherchez, vous comprenez pas, à un moment, vous allez voir le passage où ils disent, par contre, sa mémoire était faible. Et juste le fait d'avoir une mémoire faible, c'était le rapporteur, il est considéré faible. Mais c'est pas juste sa mémoire. Parfois, c'est l'honnêteté. Parfois, il a une forte mémoire, mais il n'est pas honnête. Il est connu pour le mensonge. C'est pour ça qu'il faut faire attention de garder sa dignité. Pour qu'au moins nos paroles, elles soient, on soit crédibles. Regardez, je vous donne un exemple et on se quitte, Inch'Allah, pour pas qu'on reste trop longtemps. Donc, premièrement, parmi les défaillances de cet homme, de Al-Walid ibn Muslim qui rapporte ces hadiths-là. Donc ça, c'est très important parce que c'est comme un hadith où il y a la mention des noms d'Allah, Azza wa Jal, bit-ta'yin. Mais les savants disent qu'on peut pas la prendre en considération, cette liste-là. Pourquoi? Qalu, laysat al-ilatu tafarrud al-Walid faqat wa da'ifun ma'ruf bit-tadlis, bal al-ikhtilafu fihi, ay fil hadith. Wa lihada, fa inna alladhina 'adduha lam yattafiqu 'ala shay'in mu'ayyan. الاضطراب وهو اختلاف المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي ولا الترجيح فإن أمكن الجمع فالاضطراب لأن غاية ما يكون أن يكون اختلافا في اللفظ وإن لم يمكن الجمع بين الترجيح والراجح هو المحفوظ والمرجوح شذ ومنكر. طيب la première déficience c'est qu'il y a une irrégularité. Et parfois, l'irrégularité peut être dans le texte ou bien dans la chaîne de transmission. Mais ça demande vraiment de détailler. On va passer cette première cause. Premièrement, il y a ce qu'on appelle al-tirab. On appelle ça en arabe al-tirab. Et al-tirab, c'est une cause de faiblesse. Deux, ça peut toucher la chaîne de transmission, comme ça peut toucher le matn. Deuxième cause, qui disent qu'on peut pas prendre al-tadlis. At-tadlis ou anwar. La deuxième cause, c'est que le rapporteur, il est connu pour le tadlis. Il est connu pour le tadlis. At-tadlis, c'est quoi? Il y a des rapporteurs qui faisaient du tadlis. At-tadlis, en arabe, c'est le fait de pas mentir, mais je dis pas la vérité. Tu mens pas, mais tu dis pas la vérité. Mais tu caches quelque chose. Dans la langue arabe, là je vous dis bien dans la langue arabe, les savants expliquent le terme dans la langue arabe, ensuite ils expliquent dans le domaine, dans la spécialité. Dans la langue arabe, c'est comme par exemple celui qui cache un défaut d'une marchandise à vendre. Il dit, il a caché le défaut, il dit pas. Il vend quelque chose, il y a un défaut, il dit pas. Ça là-bas, c'est ce qu'on appelle tadlis. Kitman. Un tadlis, il aura kitman. C'est-à-dire, il cache le défaut pour l'acheteur. Il y a un acheteur qui vient, lui, il a caché le défaut. Peut-être s'il lui aurait demandé son défaut, il l'aurait dit. Il lui a pas demandé. Il m'a dit, il m'a pas demandé. Moi, il me demande pas. Il a caché. Il a pas dit. Il va te dire, par contre, s'il m'aurait demandé, je lui aurais dit, je mens pas. Donc, il va te dire, j'ai pas menti. Tadlis, c'est un peu ça. Sauf que, ça, c'est dans la sila. Il y a des rapporteurs qui l'ont fait dans le hadith. Il y a des rapporteurs, et ça, c'est un sujet, ouvrez bien les oreilles. Pourquoi? Parce que, à chaque fois que vous allez ouvrir un livre, souvent, lorsque vous allez faire des recherches, vous allez lire des choses dans le hadith, souvent le tadlis, ça revient. Parce que, beaucoup faisaient du tadlis. Il y a beaucoup de rapporteurs, même de grands imams, dans le hadith, hein. Sauf qu'il y a des degrés de tadlis. Il y a des tadlis, ça n'a pas remis en cause l'intégrité du rapporteur. Et il y a des formes de tadlis qui sont plus graves. Ça remet en cause l'intégrité du rapporteur. Et ça, faut les apprendre. Dans le hadith, c'est quoi tadlis? C'est-à-dire que le rapporteur, il va rapporter une chaîne de transmission, la faire remonter jusqu'au prophète, mais dans la chaîne de transmission, il y a un défaut. Il le dit pas. C'est pas qu'il le dit pas, il le cache. Mais, si on lui demande, il va le dire. Mais là, il le dit pas. Par exemple, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est faible, que les autres savants ne considèrent pas. Donc lui, en citant la chaîne de transmission, lorsque les savants vont entendre cette chaîne de transmission, ils vont dire « Oh, il y a lui là, ah, lui c'est un menteur. » Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, par exemple, il considère que lui, c'est pas un menteur. Lui, il voit qu'elle est bonne, la chaîne de transmission. Mais il peut se dire, le rapporteur, mais si je dis que c'est lui, tout le monde va refuser. Les grands imams, ils vont refuser le hadith. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va cacher. Il va cacher. Depuis différentes manières. Il va dallas. Il va faire ce qu'on appelle at-tadlis. Il va faire ce qu'on appelle at-tadlis. Donc, at-tadlis, en fait, c'est dans le hadith, dans la science du hadith, c'est ikhfa aibin fil isnad wa tahsinun li zahiri. Et ça, ce qu'on est en train d'apprendre là, c'est quelque chose d'immense. Ça va vous aider dans la lecture des livres. Parce que des fois, vous allez être bloqué, vous allez lire un livre, et vous allez entendre ces expressions-là. Là, vous l'avez appris, donc vous connaissez maintenant. Mais celui qui n'a pas appris ça, il va lire des choses et il n'a jamais entendu, il ne sait pas ce que c'est. Et malheureusement, c'est là que ça commence à être intéressant, la lecture, mais lui va s'arrêter là. Parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Il comprend pas ce qui est dit. Alors que là, c'est là que ça commence à être intéressant, il va pouvoir pousser là. La lecture. Regardez. Donc dans le hadith, cette tadlis, c'est quoi? C'est le fait de cacher le défaut qu'il y a dans la chaîne de transmission et de l'embellir de manière apparente. Et il y a deux sortes ensuite de tadlis. Dans ça, dans le domaine du hadith, ensuite il y a deux sortes de tadlis. Tadlis al-shuyukh, tadlis al-shuyukh ou tadlis al-isnad. Al-Isnad, c'est la chaîne de transmission. On fait du tadlis dans la chaîne de transmission. Tadlis. Et il y a ce qu'on appelle tadlis al-shuyukh. Donc lui, Al-Walid ibn Muslim, cet homme-là, ce rapporteur-là, ils disent qu'il a fait du tadlis. Il faisait du tadlis. التدليس أنواع منها ما يعتمد على حسن ظنه بالروي فيحذفه وينتقل إلى الشيخ الروي الذي روى عنه وهو بلفظ يحتمل اللقاء وعدمه فيهم. Par exemple, je vous donne un exemple concret. On donne un exemple. On dit Abd al-Nur. Il veut nous rapporter une histoire. Abd al-Nur, il veut nous rapporter une histoire. Donc il va dire, Abd al-Nur, il va nous dire, moi, Souhaïb m'a dit. Souhaïb, il doit se dire, je savais qu'il allait mentionner encore. Et alors Abd al-Nur, il dit, Souhaïb m'a dit, Souhaïb, lui, rapporte d'après Ibrahim, par exemple. Souhaïb rapporte d'après Ibrahim, et Ibrahim, il rapporte d'après Zayd. Et nous, on veut savoir, est-ce que Zayd, il a dit ça? C'est une parole qui nous remonte jusqu'à Zayd. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On observe. On va regarder. Abd al-Nur, est-ce qu'il est crédible? On voit qu'il est crédible. On regarde Souhaïb. On voit, par exemple, il est crédible. Il n'est pas connu pour le mensonge. Ce qu'il rapporte, il est connu pour son exactitude dans ce qu'il rapporte. On regarde Ibrahim, on voit qu'il est crédible. Et on regarde Zayd, par exemple, on voit qu'il est crédible. Donc on dit, par exemple, tous les rapporteurs sont crédibles là. Et Zayd, on va dire, il rapporte une parole, par exemple, d'un imam. Mais, il y a un moment, on se dit, les grands savants, ils se disent, mais c'est bizarre parce que là, dans cet exemple-là, un exemple, mais Abd al-Nur, il n'était pas élève de Souhaïb. Ne me rapporte pas de Souhaïb directement. Entre eux deux, il y a quelqu'un. Sauf que Abd al-Nur, il a caché. En vérité, entre lui et Souhaïb, il y a un homme. Il y a quelqu'un, il y a un frère qui lui a rapporté. Mais lui, Abd al-Nur, il ne veut pas dire c'est qui le frère. Parce que le frère, on sait tous qu'on va dire non, non. Ah non, on ne prend pas de lui. Mais lui, on va dire que lui, Abdonor, lui considère que sur ce coup-là, non, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Donc la parole de l'imam, elle est vraie. La parole de l'imam, elle est vraie. Il a dit la vérité. Sauf que s'il dit c'est qui, tout le monde va la refuser, cette parole. Et lui, il veut la propager, cette parole de l'imam. Il dit, mais il l'a dit. Parce que moi, celui qui me l'a dit, c'est vrai que des fois, il n'est pas fiable, il n'est pas crédible. Mais là, sur ce coup-ci, il a dit la vérité. Alors, Abdennor, par contre, il ne va pas mentir. Parce que s'il ment, toute son intégrité tombe. On ne pourra plus jamais prendre de lui. Un rapporteur ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Parce que là, c'est plus Abu Dali, c'est un kedzab. C'est un menteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas mentir. Il sera dit, Abdennor, an. Par exemple, Abdennor, il ne va pas dire, Haddathani m'a rapporté Souhaib. Il ne va pas dire, Akhbarani Souhaib. Qu'est-ce qu'il va dire? An Souhaib. Donc, Abdennor va dire, d'après Souhaib, d'après Ibrahim, d'après Zayd, d'après l'imam. D'après l'imam. Lorsque Abdennor lui dit, d'après Souhaib, est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Mais est-ce qu'il a dit la vérité? Toute la vérité? Non, il a caché quelque chose. Mais lui, il ne ment pas parce qu'il n'a pas dit Haddathani. Normalement, ils disent quoi, les rapporteurs? Haddathani m'a rapporté Souhaib, par exemple. Ou ils disent, m'a informé Souhaib. Mais des fois, les rapporteurs, ils disent pas ça. Ils disent directement, d'après, an. Et c'est ce qu'on appelle en arabe, la an-ana. Ils disent soit an, ou bien an, d'après. Le problème, lorsque le rapporteur, il dit d'après, ça veut dire quoi? D'après Souhaib. Oui, c'est vrai que c'est d'après Souhaib. Souhaib, il rapporte d'après Ibrahim. D'après Zayd, d'après l'imam. C'est vrai. Mais du fait qu'il ne dit pas Haddathani, directement m'a rapporté Souhaib, lui dit, donc il laisse penser que Souhaib lui a dit. Mais il ne le dit pas clairement. Si on lui demande après Abdennor, mais c'est Souhaib qui te l'a dit directement, il y avait quelqu'un entre toi et lui. Il va dire non, moi il y avait quelqu'un. Il ne va pas mentir. Mais là, quand il dit la chaîne de transmission, il a caché un défaut de la chaîne de transmission, c'est celui. Il ne veut pas dire c'est qui est entre lui et Souhaib. Donc lui, il dit d'après Souhaib. Sauf que il y a des degrés. Il y a des degrés de tadlis. Il y a des tadlis, ça n'a pas fait tomber l'intégrité des imams. Ça ne les a pas rendus faibles. Sauf que les savants, ils ont posé une condition. Lorsque quelqu'un fait du tadlis comme ça, par exemple, un exemple là, Abdennor, ils vont poser une condition maintenant, on prend de lui, il n'y a pas de souci. Mais on prend de lui quand il dit clairement Haddathani. S'il dit An, on ne prend pas. C'est pour ça que vous allez voir, et ça c'est une grande faïda là qu'on apprend, vous allez voir beaucoup de fois, vous allez voir par exemple Al-Bani, il dit par exemple tel hadith, non il est faible. Pourquoi? Il va vous dire parce qu'un tel, il fait de la an-ana. Il a dit An. Lui ne peut pas, parce qu'il est considéré comme mudallis. Lui doit dire directement Haddathani. Donc une fois qu'on a connu qu'Abdennor, il a fait ça, on l'a découvert. Il fallait le découvrir. Alors maintenant, Abdennor, du fait qu'il est fiable, il n'a pas menti à ça, on a l'idée maintenant, c'est un mudallis. Il faut faire attention. C'est un grand imam, c'est un alim, il est connu, on ne peut pas se passer de son haine, mais il faut faire attention, il a un défaut, il fait du tadlis. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, c'est son shir. Il y a plusieurs raisons. Il y a certains, ils rapportent de son shir. Et pour lui, il ne comprend pas pourquoi son shir, il est majoroh, il était critiqué. Il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que son shir, on dit qu'il n'est pas bien? Lui, pour lui, son shir, il est fiable. Mais il sait que s'il dit, m'a rapporté mon shir, d'après Souhaib, d'après Ibrahim, d'après Zayd, d'après l'imam, ils vont tous dire, il est daif, faible, à cause de son shir. Et lui, par exemple, il ne reconnaît pas que son shir, il soit pas honnête. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le dire. Il ne dit pas. Il ne va pas mentir, on va dire, d'après Souhaib. Oui, c'est d'après Souhaib. C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il devrait dire Haddathani, son shir. On va dire que son shir s'appelle Omar. Normalement, il aurait dû dire Abdennor, Haddathani Omar, An Souhaib, An Ibrahim, An Zayd, An l'imam. Donc, il a hadaf. Il a enlevé Omar. Il a dit An Souhaib. Est-ce qu'il ment lorsqu'il dit d'après Souhaib? Non, parce que c'est réellement d'après Souhaib. Sauf lui, il ne vous dit pas qu'il y avait Omar. Sauf Omar, il ne veut pas le citer parce que Omar, il est connu. Il dit, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Vous comprenez? Ça, c'est du tadlis. Donc certains, sachez, les frères, il y a des grands imams qui l'ont fait, hein, avec leur shir. Parce que pour eux, ils considèrent que c'est authentique. Mais, et donc tadlis, si vous voulez, c'est vaste parce qu'il y a plusieurs raisons. Si vous voulez, un jour, on fera un cours pour ça. Vraiment rentrer dans le tadlis. Les deux sortes, des shuyur et de l'isnad. Vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est très pertinent. El Mouhim, nous, pour terminer, pour comprendre. Vous avez compris maintenant un peu de tadlis. Donc, il y a des formes de tadlis, ça touche pas l'honnêteté. Vous avez vu? Là, par exemple, dans ce cas-là, on dira pas qu'Abdel-Nour, son honnêteté, elle tombe. Pourquoi? Parce qu'un rapporteur, il faut deux choses pour qu'il soit accepté. Il faut l'honnêteté et la mémorisation. Ce qu'on appelle al-adala wa ad-dabt. L'honnêteté et la mémorisation. S'il a la mémorisation, mais son honnêteté, elle était affectée, c'est pas pris. S'il n'a pas de mémorisation, mais il a l'honnêteté, il faut les deux. Il faut les deux. Sauf que, à quel moment, à l'époque, un rapporteur, un imam, perdait son honnêteté, ça c'est des livres. C'est stipulé dans des livres. C'est très pertinent. C'est très pertinent. Vous savez, un jour, il y a un grand imam, il est connu pour sa dureté, sa sévérité. Il y a un grand imam, il est connu pour sa sévérité. Il est passé, il a vu un rapporteur de hadith. Imam fil hadith. Un grand rapporteur de hadith qui connaissait des hadiths du prophète, des chaînes de transmission. Il a vu et joué au al-shadranj, aux échecs. Il joue aux échecs. Il a dit, je prends plus de lui. Donc, à partir de là, il a plus pris de lui. Et quand lui, il vient, il dit daif. Hadith, il est daif. Les gros imams disent non. Les gros grands imams sont venus, ils ont dit non. C'est un grand débat. C'est pas interdit. Lui, l'imam dit, je dis pas que c'est interdit. Mais lui, ça rapporte de hadith. Il peut pas faire ça. Vous avez vu comment? Et si vous voulez, c'est des grands débats à l'époque des savants du hadith. Un rapporteur de hadith du messager d'Allah, il doit être honnête, intègre dans tout. Il peut pas se permettre certaines choses. Et donc, c'est un grand débat. Les grands imams, ils me disent, non, on peut pas remettre en cause sa fiabilité parce qu'il a fait ça. Cet imam, il est connu, il est très strict. Il a dit, je ne prends plus de lui. Comme un peu l'histoire qui est rapportée de l'imam al-Bukhari. Lorsqu'il est parti chercher un hadith chez un rapporteur, un grand rapporteur de hadith. Il a fait un voyage pour aller le rencontrer. Imaginez-vous, il a des récits que lui n'a jamais entendu qu'il va lui apprendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y va, il le rencontre qu'il a une carotte et vous connaissez les célèbres histoires. Et il avait sa monture, un âne, et pour le faire venir, la monture, qu'est-ce qu'il faisait? Lapin. La carotte. Mais à la fin, il lui a pas donné. L'imam, lorsqu'il avait ça, il a dit, je ne prends pas de lui. S'il ment à sa bête, il va nous mentir. Vous avez vu, il y a des choses, on dit pas que c'est haram. Mais eux, pour eux, un rapporteur de hadith, il y a des comportements qu'il ne peut pas se permettre. Et ça, vous retrouvez dans des livres, des débats entre de grands imams. C'est pour ça que parfois, vous allez voir Irtilef, une divergence. Certains savants disent que le texte est authentique, d'autres savants disent que non, il est daif. C'est pas juste il y a de grandes causes. Il y a de grandes causes pour cela. Donc, Mouhim, pour se quitter, vous avez compris tadlis, on essaiera dans la prochaine assise de terminer cela. Par contre, juste avant de se quitter pour comprendre, il y a des formes de tadlis qui sont pas acceptées. L'honnêteté tombe. C'est fini. Il est considéré ensuite. Il y a par exemple, Sir Abdel-Nol, il aurait fait une autre forme de tadlis. Grave, parce qu'il y a des gravités. Là, c'est pas une gravité. Mais il y a d'autres formes de tadlis où on cache un défaut d'une chaîne de transmission, où là, le rapporteur, il est considéré faible s'il reçoit, il est écrit dans les livres d'histoire. Parce qu'un rapporteur, quand ensuite il est cité faible, c'est ça. En fait, c'était ça la séance du jarh wa ta'dil. La critique et de l'éloge dans les chaînes de transmission. Quand c'est beaucoup ont repris aujourd'hui et ont fait l'examen, ils ne connaissent pas les règles de base. Eux, par exemple, parmi les règles de jarh wa ta'dil, c'est ça la séance de la critique et de l'éloge. On fait du jarh. Mais c'est dans la religion. C'était dans l'alhamdoulilah, les grands savants de l'hadith, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'il y a des règles. Parfois, la critique, elle est générale. Parfois, l'éloge, elle est détaillée. C'est quoi qui prévaut l'éloge? Al-Muhim, ça, c'est un autre sujet. Ouais, parce que sinon, on va s'étendre. Juste dernier exemple, que parfois, le tadlis, il est grave et la personne, on prend plus de lui. Ensuite, il écrit dans un livre d'histoire. Lui, c'est fini. Les grands savants, les biographes, ils vont dire, lui a commis un acte de tadlis aggravé, on prend plus de lui. C'est fini. Toutes ces chaînes de transmission, elles sont annulées. Je vous donne l'exemple d'un homme qui s'appelait Atiyah Al-Aoufi. Très rapidement. Atiyah Al-Aoufi, c'est un homme, à la base, qui a vécu à l'époque d'un compagnon du prophète. À l'époque de compagnon. Et j'avais déjà cité cet exemple. Et lui, Atiyah Al-Aoufi, il a vécu à l'époque du compagnon Abu Saïd Al-Khoudri. Vous avez déjà entendu le compagnon Abu Saïd, qui rapporte beaucoup de hadiths du prophète. Et lui, il est rapporté que Atiyah Al-Aoufi écoutait des hadiths du compagnon Abu Saïd Al-Khoudri. Et il s'asseyait avec le compagnon et il rapportait les hadiths. Donc, c'est un disciple d'un compagnon. Donc, le compagnon a entendu des hadiths directement du prophète, les paroles du prophète. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les compagnons? Ils les enseignent à leurs élèves. Leurs élèves les enseignent à leurs disciples. Les disciples les enseignent à leurs disciples. C'est ça qui fait une chaîne de transmission. Ensuite, il faut juste vérifier les hommes. Ensuite, il y a beaucoup d'autres critères. Pourquoi? Parce que des fois, un récit, c'est rapporté par plein de compagnons. C'est ça ce qu'on appelle multiple. Donc là, on est sûr vraiment que le prophète, il l'a dit. Il n'y a pas qu'un compagnon qui dit que le prophète l'a vu. Plusieurs compagnons rapportent le même hadith. Vous avez vu ça? Ça rajoute de l'authenticité. Ils disent... Alors, Atiyah Al-Aoufi, effectivement, à l'époque, il apprenait des hadiths avec un compagnon qui s'appelait Abu Saïd Al-Khoudri. Et il s'asseyait avec lui. Plus tard, le compagnon décéda. Radiallahu ta'ala an. Il décéda. Après sa mort, ils disent que Atiyah Al-Aoufi continuait à apprendre des hadiths du prophète. Et là, il commençait à s'asseoir avec un autre maître du hadith. Ce maître du hadith s'appelait Al-Kalbi. C'est un homme qui s'appelait Al-Kalbi, qui était connu à l'époque. Sauf qu'ensuite, Al-Kalbi, ce maître dans le hadith, était considéré ensuite comme un kadhab, comme un menteur. Donc là, lui, il était considéré clairement comme un menteur. C'est-à-dire, les gens de cette époque, à l'époque, ils ne s'asseyaient pas chez Al-Kalbi. Les gens disaient, n'apprenez pas le hadith chez Al-Kalbi. C'est un kadhab, c'est un menteur. Le problème, c'est que Atiyah Al-Aoufi s'asseyait chez lui. Il prenait le hadith chez lui. Bon, c'est une chose. C'est pas encore ça qui va remettre son intégrité en cause dans la science du hadith. C'est pas ça encore. Sauf que plus tard, quand il va transmettre des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les savants vont découvrir une chose ajib. Comment ils ont découvert ça? Comment ils ont découvert ça? C'est ajib. Et ça, vous le trouvez, comme je vous ai dit, vous pouvez trouver, c'est même traduit, dans un des livres de Cheikh Al-Albani. Le livre de Tawassul, la demande intermédiaire, Ahkamu wa Anwa'u. Vous retrouvez, il détaille cela. C'est Rajib. Ils ont découvert que notre chaîne de transmission, que Atiyah Al-Aoufi, il rapporte des hadiths, et lorsqu'on regarde la chaîne de transmission, exact, il dit d'après Abu Saïd, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'ils ont découvert que parfois, il dit d'après Abu Saïd. Abu Saïd, c'est bon, Al-Khudri, c'est son shir, c'est le compagnon du prophète, Abu Saïd. Mais les savants, ils ont découvert qu'en fait, Atiyah Al-Aoufi, parfois il dit Abu Saïd, mais c'est pas le compagnon. C'est pas le compagnon. En fait, c'est le Kalbi. Il va pas le dire. Pourquoi? Parce que s'il dit, c'est le Kalbi qui m'a rapporté, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est un menteur. Et en plus, lui, ça va remettre en cause sa tête, ils vont dire, il rapporte d'un menteur en plus. Alors que les imams l'ont conseillé, arrête de rapporter d'un menteur, par exemple. Donc, il peut pas rapporter d'un menteur. Lui-même, ça remet en cause son intégrité. Il rapporte des hadiths d'un menteur. Donc, lui, ne dit pas que Kalbi m'a dit. Sauf que les savants ont découvert que son shir, Al-Kalbi, il avait un surnom, sa kunya, Abu Saïd. La même kunya que le compagnon. Donc lui, quand il dit « m'a rapporté Abu Saïd », mais en fait, c'est pas le compagnon. Lui, il veut dire « Kalbi ». Mais il va pas dire « Al-Kalbi Abu Saïd ». Il dit « m'a rapporté Abu Saïd ». Il fait croire que c'est le compagnon. Mais en fait, c'est pas le compagnon, c'est le Kalbi. Est-ce qu'il a menti? D'apparence, il ment pas. Mais là, les savants, ils ont dit, là, c'est trop grave. Sont-ils dit, c'est grave, parce qu'il fait croire que c'est le compagnon. Là, il dit pas « An ». Là, c'est directement « Haddathani Abi Saïd ». Il le dit, « M'a rapporté Abu Saïd ». Mais il fait une sorte d'illusion que c'est le compagnon. Et lorsque vous allez regarder, vous allez dire « C'est plausible, pourquoi ?» Parce que c'est vrai que lui s'asseyait dans les assises de Abu Saïd, et il rapportait du compagnon Abu Saïd. Donc celui qui n'est pas spécialiste, tout passe. Tout passe. Oui, Abu Saïd, tout passe. Regardez, les imams, je ne sais pas comment ils ont trouvé, je ne sais pas comment ils ont découvert ça. El-Shal Albani l'évoque dans son livre. Il rapporte, et il n'y a pas que lui, hein, l'imam al-Nawawi, al-Hafid ibn Hajar, de grands imams avant, l'évoque cela. L'évoque cela. Et juste pour vous terminer, juste, ou en 30 secondes, très rapidement, subhanallah, un jour j'étais dans une assise, chez des proches, j'étais dans une assise, et ça parlait. Ça parlait justement, c'était une fatwa qui était parue à la télé, dans les pays musulmans, qui apparaissent, qui font le fatwa. Et la question c'était, est-ce qu'on peut demander par le droit d'un compagnon? Par le droit ou le rang d'un compagnon? On dit, on demande à Allah par l'intermédiaire de Haqq Abi Bakr ou Omar, ou bi Haqq Abi Bakr ou Omar ou Ja Abi Bakr, par le rang. Est-ce que cela est possible? Et justement, il y a hadith où qu'un jour il est rapporté que le prophète, il a pris le compagnon Abu Sa'id al-Khudri et lui a dit, je vais t'apprendre une invocation. Je vais t'apprendre une invocation. Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika. Ô Seigneur, je te demande, je t'implore par, donc c'est une intermédiaire là, par l'intermédiaire du rang de ton serviteur. Donc de là, certains ont dit qu'il est permis d'un prendre comme intermédiaire lorsqu'on invoque Allah le rang de pieux. Par exemple, Abu Bakr de compagnon, Omar, et par exemple du prophète. Et donc j'étais dans une assise, très longtemps de cela, et j'entendis qu'ils discutaient de ça. Et qu'ils disaient oui, on peut demander à Allah Azzawajal par l'intermédiaire du rang d'un de ses serviteurs pieux. Et subhanallah, sans prétention, moi je venais de lire à l'époque, je lisais le livre Charles Albani sur ça. Et il avait évoqué ce hadith-là. Subhanallah. Il avait évoqué ce récit-là avec justement ce que je vous ai expliqué, avec cette chaîne de transmission. Et c'est là l'importance. Des fois vous tombez sur quelque chose, vous lisez une chose, et lorsque j'entends ça, là, t'es obligé d'intervenir. J'ai dit, est-ce que vous êtes sûr de l'authenticité du hadith? Sauf que, à l'époque, c'était des gens qui étaient arabophones. C'est des gens qui, puisque c'était au bled. C'était des gens qui avaient un niveau, qui étaient arabophones, qui avaient un certain niveau d'arabe, et puis qui ont fait des études depuis tout jeune. À l'école, depuis tout jeune, ils ont ce qu'on appelle tarbiyah islamiyah. Donc ils apprennent. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûr de l'authenticité du récit? On dit, c'est un hadith, c'est dit, le mufti de telle chaîne, de tel pays, l'a dit qu'on pouvait tout ça. Et c'est là que j'ai juste répété, sans dire l'Albani. Sans dire sur l'Albani. Puisque certains ensuite, c'est pas tout le monde à l'époque qui prenait l'Albani. Donc qu'est-ce que j'ai dit? L'imam Nawawi. Puisque l'Albani rapporte l'Hafid ibn Hajar, l'imam Nawawi. En général, ils discutent pas quand on dit ça. Et j'ai dit, faites vos recherches, parce que dans la chaîne de transmission, en vérité, on venait de le lire. Je venais de le lire, en fait. Il n'y avait pas, c'était pas un grand. En fait, j'avais même pas étudié encore Ibn al-Hadith. Même là, j'ai pas encore vraiment étudié, mais j'avais même pas encore étudié les notions. Je venais de lire, et c'était la traduction en plus en français à l'époque. Je lisais le livre de Charles Albani comme ça, et c'est vrai que cette histoire-là m'avait touché. Je leur dis, en fait, dans la chaîne de transmission, il y a un homme, et c'est vrai qu'on se fait passer ensuite par un spécialiste, mais en vérité, c'était juste une lecture. Et j'ai dit, il y a un homme qui s'appelle Atiyah Al-Aoufi. Cet homme a fait quelque chose de très grave. A fait quelque chose de très grave. Et je leur ai expliqué l'histoire qui est rapportée dans le livre sur l'Albanie. L'histoire, les gens étaient comme, t'es sûr de ce que tu dis? Vérifiez. La chaîne de transmission, il y a un homme, vérifiez. La chaîne de transmission qui s'appelle Atiyah Al-Aoufi. Et vérifiez ce que dit l'imam al-Nawawi ou al-Hafid ibn Hajar. Est-ce que vous pensez que les gens ensuite peuvent discuter? Ils ne peuvent pas discuter. Vous parlez de chaîne de transmission. Il vous dit un texte, vous lui ramenez un rapporteur dans la chaîne de transmission. Ils ne peuvent pas discuter. Ils peuvent juste faire, dire, on va vérifier. À la rigueur, ils peuvent juste vérifier. Vous avez vu pourquoi des fois c'est important d'avoir des petites notions. Là, c'était tombé comme ça.